Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. De la résurrection et de la vie éternelle. Ce qui précède la résurrection, ce qui l'accompagnera, ce qui la suivra. Question 69. Du lieu des âmes après la mort. Certains lieux sont assignés aux âmes après la mort. L'enfer, le ciel ou le purgatoire les reçoivent immédiatement. Sortent-elles parfois de l'enfer ou de paradis? Notion sur les limbes. Que, les différents séjours sont au nombre de 5. 1. Des lieux sont-ils assignés aux âmes après la mort? Quoique les âmes, après la mort, ne soit plus ni la forme ni le moteur d'aucun corps déterminé, Dieu leur assigne néanmoins un lieu matériel en rapport avec leur dignité, et elles y habitent autant que les esprits peuvent occuper un lieu. Leur séjour est plus ou moins élevé à proportion de la ressemblance qu'elles ont eue sur la terre avec Dieu, qui a choisi pour sa demeure le plus élevé de tous les lieux, selon cette parole de l'Écriture. Il a placé son siège dans les cieux. Isaïe 66, 1. D'après ces principes, les âmes qui ont la participation de la divinité sont avec Dieu dans le ciel, et celles qui en sont exclues occupent un lieu contraire. Note. Les êtres incorporels sont dans les lieux d'une façon qui leur convient, mais qui ne nous est pas connue avec une pleine évidence. Au moment où les âmes séparées de leur corps apprennent qu'elles sont destinées à tel lieu, elles en conçoivent de la joie ou de la douleur, et le lieu devient ainsi pour elles une peine ou une récompense. Fin de la note. 2. Les âmes vont-elles au ciel ou en enfer aussitôt après la mort? Saint Paul écrivait, « Je désire la dissolution de mon corps pour être avec Jésus-Christ. » Philippiens 1, 23. Jésus-Christ est dans le ciel, donc l'âme de Saint Paul y est aussi. Le Seigneur lui-même a dit, « Le riche mourut, et il fut enseveli dans les enfers. » Luc 16, 22. Les âmes vont au ciel ou en enfer immédiatement après la mort, à moins que leur essor vers le ciel ne soit arrêté par quelque faute dont elles doivent déposer les souillures dans le purgatoire. Cette vérité est manifestement enseignée dans les Saintes Écritures et dans les témoignages des Pères. Il est clair comme le jour, disait Saint Grégoire, que les âmes parfaitement justes, aussitôt qu'elles se dépouillent de leur corps, sont reçues dans le céleste royaume, et que les âmes des méchants sont renfermées dans les flammes éternelles. Si Lucifer et ses anges, qui sont de purs esprits, sont tourmentés par un feu matériel, pourquoi s'étonner que les âmes, avant d'avoir repris leur corps, endurent le même supplice? Saint Cyprien enseignait le même dogme. Quelle gloire, s'écriait-il, pour l'âme qui s'élève triomphante vers le ciel, après avoir vaincu l'enfer. Quel bonheur ineffable, après avoir fermé un instant les yeux, de les ouvrir aussitôt pour contempler Dieu et Jésus-Christ. Note. Les récompenses du ciel et les peines de l'enfer s'accroîtront néanmoins, après la résurrection, par l'union des âmes avec leur propre corps. Fin de la note. 3. Les âmes des morts peuvent-elles sortir du paradis ou de l'enfer? Les âmes des morts ne quittent pas absolument le paradis ou l'enfer, comme si elles n'y avaient plus leur demeure, mais elles en sortent quelquefois, par une disposition particulière de la Providence, pour s'occuper des affaires humaines et se présenter même au regard des hommes. Saint Augustin rapporte que Félix, martyr, apparaissait sous une forme visible aux habitants de Nol, pendant que cette ville était assiégée par les barbares. On trouve également, dans Saint Grégoire, une multitude de traits qui prouvent que les âmes de l'enfer ou du purgatoire reçoivent parfois la permission de se montrer aux hommes, les premières, pour nous instruire et nous inspirer une crainte salutaire, les secondes, pour solliciter nos suffrages. 4. Le limbe de l'enfer est-il la même chose que le sein d'Abraham ? Abraham, se séparant de la société des incroyants, donna le premier exemple de la véritable foi, par le mérite de laquelle on parvient au repos éternel, et, pour cela même, le repos des hommes juste après la mort fut appelé le sein d'Abraham. Mais les âmes saintes n'ont pas trouvé, dans tous les temps, le même repos en sortant de ce monde. Depuis la venue du Christ, elles jouissent d'un repos complet dans la vision divine, tandis qu'avant la rédemption elles n'avaient pas le repos du désir. C'est pourquoi leur état, considéré dans ce qu'il avait de repos, s'appelait le sein d'Abraham, au lieu que, envisagé dans ce qui lui manquait de repos, il se nommait le limbe de l'enfer. Avant donc l'avènement du Christ, le limbe et le sein d'Abraham étaient accidentellement la même chose, mais non pas essentiellement. Il suit de là que, depuis la venue du Sauveur, le sein d'Abraham peut différer complètement du limbe. Deux choses qui ne sont qu'accidentellement unies peuvent être séparées. Note. Parfois on donne le nom d'enfer au séjour des anciens pères, envisagé dans ce qui lui manquait de bonheur. Nous appelons encore aujourd'hui le sein d'Abraham le repos parfait des saints. L'Église prie Dieu d'y conduire ses enfants. Le sein d'Abraham ne se nomme plus ni l'enfer ni le limbe. Limbe signifie bord. Les limbes ou le limbe de l'enfer désignent les abords de l'enfer. Fin de la note. 5. Le limbe de l'enfer était-il la même chose que l'enfer des damnés ? Il n'y a point de rédemption en enfer. Les saints de l'ancienne loi ont été rachetés des limbes. Donc il y a une différence entre le limbe de l'enfer et l'enfer des damnés. Je ne vois pas, disait saint Augustin, comment on pourrait croire que le repos où Lazare fut reçu se trouve en enfer. Si l'on envisage ces deux séjours sous le rapport de la qualité des lieux, il est évident qu'ils se distinguaient l'un de l'autre, on éprouve dans l'enfer une peine sensible, qui ne se faisait point sentir dans les limbes. La peine est éternelle en enfer, elle était temporaire dans les limbes. Si l'on envisage ces deux séjours sous le rapport de leur situation, il est probable que le même lieu les formait par continuité, de telle sorte que les limbes étaient comme la partie supérieure de l'enfer. En effet, les âmes qui sont en enfer subissent des peines différentes à proportion de leurs péchés. Les plus coupables sont dans les lieux les plus obscurs et les plus abaissés. Aux anciens justes était réservée la demeure la plus élevée et la moins sombre. 6. Le limbe des enfants est-il le même que celui des saints de l'ancienne loi ? Non, les enfants n'ont pas l'espérance de la vie bienheureuse comme les anciens patriarches, dont l'âme reluisait de la lumière de la foi et de la grâce. Il est probable cependant que, quant à l'emplacement, leur limbe ne diffère guère du limbe des justes de l'ancienne loi. Celui-ci était seulement situé dans une région plus élevée. 7. N'est-ce point assigner trop de séjours pour les âmes après la mort ? Il convient d'assigner 5 séjours pour les âmes séparées du corps, le paradis, le limbe des patriarches, le limbe des enfants, le purgatoire et l'enfer. On distingue ces demeures d'après les différents états où se trouvent les âmes après cette vie. Les âmes, en sortant de ce monde, sont-elles prêtes à recevoir leur rétribution finale ? Le paradis est immédiatement assigné à celles qui sont justes, l'enfer à celles qui sont coupables de péchés mortels, et le limbe des enfants à celles qui n'ont que la faute originelle. Si les âmes ne peuvent recevoir leur rétribution finale, c'est tout parce qu'elles sont coupables de fautes personnelles, et le purgatoire est leur séjour, ou parce qu'elles emportent avec elles une certaine imperfection de la nature humaine, et de là le limbe des anciens justes. Note. Ne devrait-on pas, a dit quelqu'un, assigner un lieu pour ceux qui meurent dans le péché mortel avec des bonnes œuvres, comme on assigne le purgatoire aux justes qui meurent dans la grâce avec des péchés véniels? Non, il y a un souverain bien sans aucun mélange de mal, et il n'y a pas de mal sans mélange de bien. Dieu peut exiger que les âmes qui entrent en possession du souverain bien soient purifiées de toute souillure dans le purgatoire, et donner aux âmes condamnées à l'enfer la récompense de leurs bonnes œuvres par une mitigation de peine. La question 100, appendice du supplément, complète celle-ci, on peut l'y joindre dès maintenant. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.